On te dit que d'amour, on ne me fait pas. C'est moi l'amour encore, encore une fois. Encore tu demandes, tenir la distance. Ça ne fait plus souffrir, si t'en redemandes. À l'autre bout du monde, notre femme que toi, qui a son dernier homme, ne te prostitue pas, ouais, on te vise d'amour, on ne me baise pas, moi l'amour encore, encore une fois, cette sursaute, s'écorce mes langues, à l'autre rang tu dormes, d'un triste baron, de la preuve proche. Corps de putain, je laisse pénétrer par une boîte mail. On te dit que l'amour ne me baise pas. Moi l'amour encore, encore une fois. Et là dans la vieillesse, on se colle par cœur. La beauté de tes seins, la ride de tes fesses. Elle qui te sort, ta dernière offrande. Nos yeux l'un dans l'autre, l'air d'autre moi ça loi, ouais, précise d'amour, non, ne me baise pas, ouais, moi l'amour encore, encore une fois, oh, précise d'amour, oh, encore une fois, dans le cercle des noms, on cherche une valeur, se cumule alors. Peine et sans douleur, ouais, peine et sans douleur, peine et sans douleur, peine et sans douleur. On te juste d'amour, on ne me baise pas, mais moi l'amour encore, ouais, encore une fois, oh, on te juste d'amour, non, on ne me baise pas, ouais. L'amour encore, encore une fois. Et il se prend des décidias, se cache sous les lois, ce qui profite, ce qui ne rendent pas. Pas d'esprit, pour s'enfiler le jour, à jamais loupé. La loyauté prend des signes d'amour, non, ne me baisse pas, c'est moi l'amour. Ne me baisse pas, ouais. Fais-moi l'amour encore, encore une fois, ouais. On te dit de l'amour, on ne te baisse pas, ouais. C'est moi l'amour encore une fois, ouais. On te dit de l'amour, on ne te baisse pas. Thank you.